les caractéristiques physiques. Il est assez grand. Elle est très forte. Elle est assez maigre. Il est plutôt solide. Il est costaud. Il pèse 70 kg. Il fait à peu près 70 kg. Il mesure 1m60. Il fait 1m60. Il a les cheveux blonds, bruns, frisés, raides, longs, courts, châtains. Il est barbu, chauve. Il a une petite moustache, barbe. Il a les yeux bleus, noirs, noisettes. Il porte des lunettes. Il est assez jeune, vieux, vieille, âgé. Il est d'un certain âge. Il a une trentaine d'années.